Léonard pour le plaisir sur RGM. Il est presque 8h37 et on est toujours dans la matinale et on fait tout de suite un point sur ceux qui sont nés un 25 février. 1942, naissance de Karen Grace, l'actrice américaine connue pour son rôle de Caroline Ingalls dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. 1945, naissance d'Herbert Léonard, chanteur français. 1946, naissance de Jean Todt, copilote de rallye automobile français, directeur d'écurie. Je peux pas citer les marques, mais une célèbre marque française et une célèbre marque de sport italienne. 1950, naissance de Neil Jordan, réalisateur irlandais à qui l'on doit Mona Lisa, The Crying Game, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario, Entretien avec un vampire ou encore Michael Collins. 1957, naissance de Régis Laspalès, humoriste et comédien français du duo comique Un Chevalier et Laspalès, vu au cinéma dans Le Paris, dans le rôle de Gilbert, ou encore Ma femme s'appelle Maurice, dans le rôle de Maurice Lapin. 1966, naissance de Théa Léonie, actrice américaine, connue pour son rôle de Julie Mott dans Bad Boys, son rôle de Jenny Lerner dans Deep Impact et celui d'Amanda Kirby dans Jurassic Park 3. 1968, naissance de Sandrine Kiberlin, actrice française, vue dans Cyrano de Bergerac, En avoir ou pas, dans le rôle d'Alice, récompensée par le César du meilleur espoir féminin. Beaumarchais, l'insolent, Le Petit Nicolas, Les femmes du sixième étage, dans le rôle de Suzanne Joubert, Beurre sur la ville, Police, dans le rôle de Madame de Faublaise, Les infidèles, Neuf mois ferme, dans le rôle d'Ariane Felder, récompensée par le César de la meilleure actrice, Amoureux de ma femme, Pupille, sortie l'année dernière, où elle a interprété le rôle d'Alice, et elle sera à l'affiche du film Mon bébé, dans le rôle d'Héloïse, sorti le 13 mars prochain. 1971, naissance de Sean Astin, acteur américain, vu dans Les Goonies, dans le rôle de Mickey Walsh, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, dans le rôle de Sam Sagas Gamgee, dans la série télé 24 heures chrono, dans le rôle de Lynn McGill, ou encore Stranger Things, la saison 2, dans le rôle de Bob Newby. C'est également l'année de naissance de Daniel Potter, chanteur canadien. 1973, naissance d'Hélène de Fougerolles, actrice française, vue dans La Reine Margot, La Cité de la Peur, Assassin, La Plage, Le Raid, Fanfan la Tulipe, dans le rôle de Madame de Pompadour, Les Aristos, la série télé Le Collège des Cœurs Brisés, dans le rôle d'Anne-Marie, Le Secret d'Élise, dans le rôle de Françoise Marcy, ou encore plus récemment dans la série Balthazar, dans le rôle d'Hélène Bach. 1975, naissance d'Alvaro Morte, acteur espagnol, connu pour son rôle du professeur dans la série La Casa de Papel. 1979, naissance de Virginie Dedieu, nageuse en natation synchronisée française, qui aux Jeux Olympiques compte une médaille de bronze remportée en duo en 2000, et aux Championnats du Monde, trois médailles d'or, deux d'argent et une de bronze remportée en duo. 1982, naissance de Bert McCracken, chanteur américain du groupe The Used. 1985, naissance de Joachim Noah, basketteur américain d'origine franco-suédoise, qui de 2007 à 2016 a joué pour les Chicago Bulls, de 2016 à 2018 pour les Knicks de New York. Courant 2017-2018, il a été prêté aux Knicks de Westchester. Et depuis cette saison, il joue pour les Grizzlies de Memphis. 1986, naissance de Justin Berfield, acteur américain connu pour avoir joué Reese, le frère de Malcolm, dans la série du même nom. C'est également l'année de naissance de James et Oliver Phelps, acteurs britanniques connus pour avoir joué les rôles de Fred et George Weasley dans les films Harry Potter. 1994, naissance de Jenny Bouchard, joueuse de tennis canadienne, professionnelle depuis 2011, meilleur classement WTA, la cinquième place atteinte en 2014. Elle a été une fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros et huitième de finaliste à l'US Open. 1997, naissance d'Isabelle Fuhrman, actrice américaine, vue dans Percy Jackson, le voleur de foudre, et Percy Jackson, la mère des monstres, dans le rôle de Carrie Jackson, et dans Hunger Games, dans le rôle de Clove. En 1999, décédé Glenn Theodore Seaborg, chimiste américain, prix Nobel de chimie en 51, découvreur du plutonium. En 2005, décédé Peter Benenson, fondateur d'Amnesty International. En 2014, on apprenait le décès de Quentin Elias, chanteur, danseur, mannequin français, qui fut membre du groupe Alliage dans la période phare des boys band. Et en souvenir, on va s'écouter un tout petit extrait de leur titre Baila. We'll be right back. Voilà pour le petit souvenir du groupe Alliage. En 2017, décédé Bill Paxton, acteur américain, vu dans Alien le Retour dans le rôle du soldat William Hudson, Apollo 13, Twister, Titanic dans le rôle de Brock Lovett, ou encore Spy Kids 2 et 3 dans le rôle de Dinky Winks. Allez, nouvelle pause musicale avec Daniel Potter et son titre tube, qui a fait oui un petit carton hein, à l'époque, Bad Day. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. And tell me your blue skies fade to gray. And tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time. And I don't need no care anymore. 'Cause you had a bad day. You take it one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work. Daniel Potter avec le titre Bad Day sur le 107FM. Il est presque 8h47 et on va faire un point sur les Oscars puisqu'ils ont eu lieu hier soir, enfin plutôt cette nuit hein, pour nous pauvres Français. Et on va tout de suite découvrir eh bien, le palmarès de cette soirée des Oscars. L'Oscar du meilleur film attribué à Green Book sur les routes du Sud. Meilleur réalisateur, Alfonso Cuarón pour le film Roma. Meilleure actrice dans un rôle principal, Olivia Colman pour le film La Favorite. Meilleur acteur dans un rôle principal, Rami Malek hein, qui enchaîne les récompenses hein, pour le film Bohemian Rhapsody. Meilleure actrice dans un second rôle, Regina King pour le film Si Beale Street pouvait parler. Meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali pour Green Book sur les routes du Sud. Meilleur film d'animation, Spider-Man New Generation. Meilleur film étranger, Roma. Et la meilleure chanson attribuée à Shallow, Lady Gaga et Bradley Cooper, qui ont d'ailleurs tous deux interprété cette chanson lors de la cérémonie des Oscars. Mais nous, on va écouter la chanson hein, en radio édite, comme on appelle ça. On l'écoute tout de suite, hein, vous savez, c'est mon coup de cœur cinématographique de ces derniers mois. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Et voilà pour Shallow, hein, Lady Gaga et Bradley Cooper. Allez, il est presque 8h52, on fait un point tout de suite hein, sur la météo. La météo. Eh bien, encore aujourd'hui, nous aurons droit à une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 0 et 2 degrés ce matin, mais entre 14 et 16 degrés prévus pour cet après-midi. Pour mardi et mercredi, du soleil également au rendez-vous. Pour demain, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 15 et 17 degrés prévus pour demain après-midi. Et mercredi, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin et entre 14 et 15 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite te faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et encore une fois, beaucoup de choses à dire en ce lundi matin. Et on commence avec le rugby et le tournoi destination et la première victoire pour le 15 de France. C'était samedi face à l'Écosse, 27 à 10. À noter que les filles se sont imposées 41 à 10. Et on va parler de Maxime Mermoz hein, qui joue au Stade Toulousain depuis le début de la saison. Et bien, il a mis un message hein, sur ses réseaux sociaux ce week-end où il y fait mention et bien, d'une opération de l'épaule. Il sera donc à absent plusieurs mois, mais il promet de revenir encore plus fort. Un mot de basket avec le dernier match pour la qualification de la Coupe du Monde. La France était déjà qualifiée, mais s'est imposée hier 82 à 66 face à la République tchèque. La France termine première de son groupe avec seulement deux défaites. Du côté de chez nous, en National 3, Mirecourt s'est incliné face à Europe Essen 64 à 69. Un mot de football avec le tirage de l'Europa League. On connaît l'affiche des huitièmes de finale pour Rennes qui affrontera Arsenal. En Ligue 1, Saint-Etienne s'est imposé 1 but à 0 à Dijon. Strasbourg et Lille ont fait match nul 1 partout. Le PSG s'est imposé 3 à 0 face à Nîmes. Amiens s'est imposé 1 but à 0 face à Nice. Guingamp s'est imposé 1 à 0 face à Angers. Reims s'est imposé 4 buts à 2 à Montpellier. Nantes s'est imposé 1 but à 0 face à Bordeaux. Toulouse et Caen ont fait match nul 1 partout. Tout comme Rennes et Marseille. Et Monaco s'est imposé hier soir 2 buts à 0 face à Lyon. En Angleterre, la League Cup a été remportée par Manchester City qui a battu en finale Chelsea au tir au but. En Ligue 2, Nancy s'est imposé face au GFC Ajaccio 3 buts à 1 et Metz s'est imposé 2 buts à 0 face au Paris FC. En National 2, match nul pour Épinal 2 partout face à Arras. En National 3, match nul pour Thaon-les-Vosges face à Vauban-Strasbourg 1 partout et Raon-l'Étape s'est imposé à Saint-Louis-Nevèque 3 buts à 2. En hockey sur glace en D3, premier tour aller pour Épinal qui s'est imposé à Nice sur le score de 12 à 5. Le match retour aura lieu ce samedi à la patinoire de Poisson-Pré en Ligue Magnus. La fin de la saison régulière approche. Le dernier ticket pour les play-offs a été délivré hier soir à Chamonix. Je vous le rappelle, pour les play-offs sont donc qualifiés Chamonix, mais Rouen, Grenoble, Amiens, Angers, Gap, Bordeaux et Nice. Et on connaît la première affiche de ces quarts de finale. Elle opposera Rouen à Chamonix et les autres rencontres seront déterminées mardi lors de la dernière journée. Un mot de ski avec le combiné Alexis Pinturo qui a gagné à Bansko et a remporté ainsi le globe de la spécialité. Un mot de biathlon avec les championnats d'Europe où nos Français n'ont malheureusement pas très très bien brillé. Sauf Aristide Bay qui a tout de même terminé 4e sur le sprint qui a été remporté par Tarjei. Florent Claude lui a terminé 21e. Le sprint féminin a vu la victoire de la Suédoise Brorson. Chloé Chevalier 23e. Myrti Beck 25e. Lou Jean Monod 30e. Et la poursuite a vu la victoire de Jurlova côté féminin. 15e place de Myrti Beck, 31e place de Chloé Chevalier et 34e place de Lou Jean Monod. Et côté messieurs, la poursuite a été remportée par Tarjei. Florent Claude, le Belge Vosgien, a terminé 8e et Aristide Beg 22e. Et on termine avec du tennis, plusieurs tournois cette semaine et aujourd'hui à Indian Wells. Ferro affronte Wickmayer. C'est tout pour l'actu sportive d'aujourd'hui. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec le groupe The Used et leur titre Oi My One. Slow it down without it. Le groupe The Used sur RGM, il est presque 9h et c'est donc déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, la rediffusion de Clip Clap, on tourne. À 11h, la Cristoire du cinéma. À midi, la bulle de l'IA. 13h30, les coups de cœur d'Aurélien, la rediffusion. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 17h, la rediffusion de la Cristoire du cinéma. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.